Chapitre 6e, le secret de la folle. Monsieur, dit Hector Gérardi, vous allez entendre la confession d'un honnête homme. Paul Bar fit un geste évasif. Oui, je vous comprends. Comment prétendre à ce titre, même après l'avoir porté durant toute sa vie, à l'heure où l'on est soupçonné, accusé, convaincu, si vous voulez même, d'un crime? Que dis-je? De deux crimes. Et de deux crimes particulièrement affreux. Une femme, un homme, tous deux éventrés. Je vous le dis tout de suite, monsieur l'inspecteur, j'avoue. Oui, je suis l'assassin de ces deux victimes. Bien plus, je reconnais que j'accomplis ces deux crimes moi-même, de ma propre main. Cette main que voici, cette main si loyalement serrée par tant de mains honnêtes et éminentes tout au long d'une existence vouée au bien public, cette main a pris le couteau, un long couteau de cuisine, et l'a plongé par deux fois dans deux corps humains. Quand je pense à cela, à la minute où j'ai accompli ces deux crimes, je me fais horreur. Je ne peux pas croire que c'est moi qui... Et pourtant, tenez, monsieur l'inspecteur, peut-être ne me croirez-vous pas, mais il m'apparaît que cet aveu que je vous fais est pour moi une sorte de soulagement, dans ma détresse et dans mon désespoir. La justice, en tout cas, pourra vous en tenir compte. La justice, je ne peux rien attendre d'elle. Mon crime est de ceux dont le coupable sait combien il est indigne d'indulgence. Je me condamne moi-même plus sévèrement que ne le pourraient faire les hommes. Je ne veux pas vous apporter, par le récit que vous allez entendre, des excuses. Je ne veux pas chercher à diminuer ma faute. Non, vous allez connaître une triste histoire. Vous allez savoir comment un homme, jusque-là irréprochable, du moins aux yeux de toute une ville, de tout un pays, honoré de leur confiance, a pu descendre aussi bas dans l'ignominie et dans la honte. Vous allez voir comment une première faute, grave certes, mais qui pouvait, elle, trouver des excuses, peut conduire à une autre, capitale, celle-là. Je sais, monsieur l'inspecteur, et par votre renommée, par la légende même qui s'attache aujourd'hui déjà à votre nom, que pour vous, une affaire judiciaire est un problème dont votre intelligence cherche la solution. Pour vous, tout est là. Et quand vous avez déchiffré une énigme, votre tâche est finie, vous vous désintéressez de l'affaire. Pas toujours. Cette fois, je crois que vous la retiendrez. Vous avez pénétré, vous pénétrerez d'autres mystères plus profonds et plus indéchiffrables. Mais mon affaire, l'affaire du maire et conseiller général Hector Gérardi, éventreur, demeurera dans votre souvenir. Hector Gérardi, étranglé par l'émotion, s'était tu. Paul Bar, en face de lui, demeura un long instant silencieux. Ce fut le coupable qui de lui-même reprit la parole et poursuivit. J'étais jeune. Mais ma jeunesse a été laborieuse. Après mes études au lycée du chef-lieu, je suis revenu ici à Grimaud, où sont, ou étaient, les terres du domaine de mes parents. Je me suis, avec eux, occupé de leur culture, de leur administration. C'était à cette époque une grande et vaste propriété. Vous allez voir pourquoi je vous donne ces détails et ceux qui vont suivre sur ma vie à cette époque. Mes parents voulaient me marier avec une jeune fille dont la famille fut, comme eux, composée de riches propriétaires terriens afin de pouvoir joindre les deux domaines. Ils considéraient le mariage comme une affaire. Moi, je ne pouvais pas considérer l'union de deux êtres sans amour. Il y avait là, entre les miens et moi-même, un grave dissentiment. Le cœur a ses besoins et, comme la chair, il a aussi ses désirs. J'avais une vie sage. Je n'étais pas de ces jeunes gens dissipés, tout à leur plaisir. Il advint ce qui est naturel. Jamais. Il y avait à ce moment-là, je n'avais pas encore 30 ans, dans le pays une très jolie fille. Sa famille était fort modeste. Son père était tâcheron et travaillait même à la journée pour le compte de mes parents. Mais l'amour ne se préoccupe guère de ses contingences. Cette jeune fille, mais qu'allais-je encore vous dire? Vous la connaissez, elle a vieilli, et plus encore par le mal et par le chagrin qui l'ont minée que par le temps. Vous avez rencontré ici certainement une pauvre démente, qu'on appelle la mère Anita, Anita la folle, c'est elle. Oh, vous ne pouvez pas deviner sur ses traits aujourd'hui ravagés sa beauté d'autrefois. Elle n'a pas atteint la 50aine et elle semble une très vieille femme. Aussi 25 ans, elle était si jolie. Je l'aimais, je vous l'ai dit, et elle m'aimait. Notre amour était secret. Je vais vous dire, il va vous sembler invraisemblable. Personne n'a su, personne n'a deviné notre secret, personne, si ce n'est... Mais attendez la fin. Nous avons eu notre roman, triste roman hélas. Un jour, ma chère maîtresse m'a fait un aveu. Elle était enceinte. J'en étais terrifié. J'avais des parents très rigides. Mon père avait un caractère implacable. Je tremblais devant lui. il m'était impossible de lui faire l'aveu de ma liaison, et plus encore de régulariser cette situation. J'étais affolé, je pensais à fuir avec elle. Son père était brutal. S'il apprenait, lui aussi, il aurait tout dénoncé au mien, et puis je n'aurais pas pu rompre avec Anita. Nous nous aimions trop, alors j'ai commis ma première faute. Par un ami, j'avais su que, dans le plus grand secret, une femme du pays, infirmière à l'hôpital, avait évité des maternités scandaleuses à des jeunes filles imprudentes. Disons le mot, cette femme était ce qu'on appelait alors une faiseuse d'anges. Je dois le dire, Anita ne voulait pas accepter la suppression de son enfant. Ce petit être futur, né de nos amours, déjà lui était cher. Il fallut qu'une nuit, moi-même, je la conduisisse après bien des supplications, bien des scènes et bien des pleurs, chez cette femme. Et cette femme, vous savez qui elle était. C'était Madame Lérand, déjà veuve et mère elle-même d'une petite fille, de cette petite fille qui devait, 20 ans après, épouser le comptable Ragotin. Que vous dirais-je de plus ? L'opération fut faite cette nuit-là. Elle réussit, si l'on peut employer ce mot pour l'anéantissement d'un petit être qui ne demandait qu'à vivre dans l'amour d'une mère et d'un père. L'acte abominable m'avait coûté 1000 francs. Oserais-je dire qu'à ce moment je ne les regrettais pas ? Je me sentais délivré d'un affreux souci. Ah, si j'avais su ! Anita ne partagea pas mon sentiment. Elle avait l'instinct maternel, cet instinct si naturel chez la femme, vivace et profond. Elle avait aussi, cette fille d'humbles ouvriers, un sentiment plus développé que le mien de la morale et du devoir. Elle était inconsolable de son enfant perdu, à ce point que sa raison en fut troublée. La malheureuse devint folle de chagrin et de remords. Vous savez sa démence. Inlassablement, elle pleure. Depuis ce temps, cet enfant qu'elle n'a pas eu, que je l'ai empêché d'avoir. Sans cesse, elle creuse de petites tombes où elle s'agenouille et prie. La malheureuse, elle a perdu jusqu'au souvenir du passé. Elle ne se rappelle plus notre amour ni ma personne. Combien de fois elle est passée à côté de moi, et toujours sans me reconnaître. De toute façon, sans doute, il valait mieux qu'il en fût ainsi. Mais l'affaire, le crime... J'y arrive, j'y suis. Peu de temps après l'intervention criminelle de la femme Lérand, celle-ci me demanda une entrevue. Elle me demanda un second billet de 1000 francs. Elle alléguait des besoins d'argent, son enfant, son veuvage. Je ne compris pas qu'il s'agissait d'une manœuvre. Je cédais, et puis bien vite, ce fut le chantage caractérisé. Pourquoi y cédiez-vous ? Cette femme, auteur principal de l'opération abortive, risquait plus que vous. Certes, mais ce que je redoutais, ce dont elle me menaçait, ce n'était pas la dénonciation à la justice, mais à la malignité publique. Quel scandale ! Pensez donc, l'enfant d'Anita ayant pour père le fils Girardi, pendant 10 ans, somme par somme, je payais. Et alors ce devint terrible. Oui, il y avait prescription. La faiseuse d'ange ne risquait plus rien. Vous avez compris. À partir de ce moment, j'ai vécu sans cesse sous la menace. Chaque jour amenait son supplice. L'avidité de cette femme et surtout de son gendre était incroyable. Je peux dire que je n'ai pas passé une seule journée sans attendre le scandale promis, l'écroulement de toute une vie d'honneur. C'était par centaines de milliers de francs, maintenant que se chiffraient les exigences de ce couple infernal. Unis en famille pour me dépouiller sans vergogne. J'ai commencé par aliéner des parcelles de mon domaine, j'en suis venu à le vendre morceau par morceau, et il allait bientôt ne plus m'en rien rester. Une colère, un désespoir m'ont pris alors, je pensais, s'il n'existait plus. Cela seulement pouvait me sauver, mais il fallait qu'ils disparussent tous les deux, alors. Et alors Gérard y dit tout, comment l'idée germée dans son cerveau y grandit peu à peu, comment il pensa que nul ne le soupçonnerait si ce nouveau crime, ce double crime nouveau, pouvait passer pour l'un de ceux de l'éventreur inconnu. Hector Girardi guetta ses victimes promises à sa vengeance, ou comme il le disait plus justement, à sa défense. Il reconnut tout, jusqu'au choix du couteau. Il s'appliqua à frapper la femme d'abord, puis l'homme, d'un coup unique et décisif. Mais au lieu de frapper de bas en haut, ce fut de haut en bas qu'il porta, à chaque fois le coup fatal. « Ah ! Fit-il enfin, accablé. Quand le soir je rencontre dans la solitude une rue détournée la pauvre Anita, creusant, croyant creuser une tombe et s'y agenouillant, quand je revois la malheureuse dont j'ai brisé la vie, je me dis que le secret de mon crime est tout entier dans le secret de la folle. » Il s'interrompit, la gorge serrée. « J'ai tué, moi, j'ai tué, comme l'autre. Vous connaissez tout maintenant. Je vous suis, monsieur. Une seconde, je suis à vous. » Il se dirigea vers la pièce voisine. « Faites, » dit Paul Barre qui le laissa passer. Une seconde, un coup de pistolet retentit. J'en étais sûr, murmura l'inspecteur. La mort du coupable a éteint légalement l'action publique. Pour tout le monde, Hector Gérardi, maire et conseiller général, s'est tué par désespoir de sa ruine. Hormis les magistrats et l'inspecteur Paul Barre, nul ne sait rien. Il ne reste que la légende de l'éventreur de Grimaud, assassin de 16 victimes. C'était une enquête de l'inspecteur Paul Barre par Michel Corrie.